Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Il semblerait que ça ne va pas très fort dans le monde des terroristes. Alors, je sais pas si vous le savez, mais eux aussi ont un service après-vente, justement. Tiens, écoutez-le. Service après-vente du terrorisme. Service après-vente du terrorisme, bonjour. Oui, bonjour, je suis GG routier de profession, j'ai un petit problème. J'ai un camion rempli de plutonium et j'ai aussi 3 têtes de nucléaire. Je suis en plein centre de Bruxelles, je fais quoi avec, hein? Bah, les livres aux destinataires. Bah, je voudrais bien, mais j'ai un peu perdu le bon de livraison et je sais pas à qui livrer, moi. Rassurez-moi, c'est pas dangereux quand même. Ah, si mon gars, je peux rayer l'Europe, de la carte avec tout ça, moi, hein. Bah écoutez, ouais, je sais pas quoi vous dire, moi. Bah tu sais quoi, je vais foutre tout ça chez les Flamands et tout le monde s'en fout, de toute façon c'est la pète à leur gueule, voilà, hein. Oui, voilà, voilà, voilà, faites ça, GG, faites ça, voilà. Service après-vente du terrorisme, bonjour. Bonjour, monsieur, je m'occupe de la communication de la société Al-Qaïda International. Attendez, mais Al-Qaïda, c'est pas une société. Ah si, monsieur, c'est une société anonyme. C'est mieux vu nos activités. Vous avez compris, la vanne? Société anonyme, anonyme. Et comme on fait dans le terrorisme, c'est mieux de ne pas savoir qui on est. Ouais, ouais, c'est bon, j'avais compris. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais juste dire aux journalistes d'arrêter de nous mettre toutes les conneries qui arrivent sur la Terre, sur notre dos, hein. On est en train de nous reprocher le trou dans la couche d'ozone, de polluer les océans, d'exterminer les baleines et bientôt de produire les concerts de Britney Spears. On ne peut pas accepter, mon ami. Ouais, je comprends, c'est vrai que ça c'est dur, hein. Vous avez une image de marque à respecter. Service après-vente du terrorisme, bonjour. C'est le théâtre, l'appareil. On est des terroristes basques. Je précise parce que personne ne nous connaît. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? On arrête la lutte armée, y en a marre. On parle que d'Al-Qaïda. Nous, on n'existe plus. On peut faire sauter des centaines de trucs, personne n'en a rien à foutre. Alors à un moment, stop. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je sais pas, un terroriste ton pour nous venir en aide et récupérer des fonds. On en profitera pour faire un peu de poupe. Ah ouais. Donc ça va pas vraiment fort dans le monde du terrorisme apparemment non plus. Hein. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Et puis nous allons maintenant continuer à appeler chez Deleuze, hein, puisque bah, forcément voilà, on avait appelé tout à l'heure, apparemment publicité mensongère. Mais tout à fait, tout voilà. À fait. Attends, c'est-à-dire qu'ils ont vendu. Comment dire, les Black Eyed Peas, Lady Gaga, Justin Bieber seraient dans mon Deleuze. Non, ils ont dit que c'était des cartes à télécharger, hein. Oui, c'est pareil, c'est de la pub mensongère, ils m'ont menti. Et d'abord ils ont dit qu'ils seraient là, et après ils ont dit qu'il y avait des cartes à télécharger. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, allez, on va où? On va à Bruxelles cette fois-ci, on a été à Spa tout à l'heure, allez, on appelle à Bruxelles. Allons à Bruxelles. Allez, c'est parti, appelons direction Brussels, la capitale. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, je vous appelle parce que vous m'avez menti. Vous m'avez dit des choses pas vraies et ça c'est pas bien. Et c'est? Vous aviez dit que les Black Eyed Peas ils seraient dans mon Deleuze. Eh ben je suis allé dans mon Deleuze et ils étaient pas là. Madame, c'est pas moi, hein. Et c'est qui alors? Moi je veux savoir qui c'est qui m'a menti parce que moi je veux rencontrer les Black Eyed Peas maintenant. C'était pas moi, hein, madame. Et c'était qui? Je ne sais pas. Ben oui, et ben c'est pas bien. Envoyeur. Connasse. Bonjour. Oui. Dites-moi. Eh ben, moi j'ai écouté la publicité à la radio. Et la publicité à la radio, elle disait que les Black Eyed Peas, ils m'attendaient dans mon Deleuze. Eh ben, oui. Je suis allé. Et ils étaient même pas là. Ah oui, mais si vous avez fait des achats, vous avez reçu des petites cartes où vous pouvez télécharger de la musique, monsieur. Oui, mais donc... ça c'est juste de la musique, moi. Moi, la pub, elle disait qu'ils étaient là. Et je suis allée et ils étaient pas là. Oh, d'accord. Ben écoutez, je vais prendre note de votre remarque et je vais noter vos coordonnées. Vous me donnez votre nom? Oui, alors c'est Toff. Toff. T-O-P-H. Votre numéro de carte? Mon numéro de carte quoi? Carte plus? Mais j'ai pas de carte, moi, madame, j'ai 15 ans. Et vous n'êtes pas client chez Deleuze? Bah non, moi, je suis allée parce que ça disait qu'il y avait les Black Eyed Peas, mais c'est tout. D'accord, eh bien, je vais transmettre votre remarque à la direction, monsieur. Oui, parce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, madame. Il faut leur dire. Je leur dirai. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends. Ils se sont foutus de ta gueule, mais quand même assez violemment. Hein. Un petit peu, oui. Je pense que tu as peu de chance d'avoir des nouvelles. Oui, il y a vraiment peu de chance, par contre, effectivement. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis la journée internationale, maintenant, des surgelés. C'est avec Pierre, qui a décidé d'appeler un magasin donc, de surgelés pour taper scandale parce qu'il s'est fait escroquer. Et il a raison de ne pas se laisser faire. C'est la moindre des choses. Allez, journée internationale maintenant, c'est avec Pierre, journée internationale des surgelés. Picard Romain, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai acheté du poisson chez vous, là. Oui. Et je m'aperçois que il est pas frais, en fait. Bah bon ? J'ai acheté des pavés de saumon. Oui. Et regardez comme c'est dur, là. Ouais, exact. Comment ça se fait que ça fait ça, là ? Il est pas du tout frais, là. Il est pas du tout frais ? Bah non, il est pas frais du tout, hein. Il est dur comme tout. Comment j'ai le cuisiné, moi ? Bah écoutez, revenez avec monsieur, vous avez pas le ticket, rien du tout, vous avez rien gardé. Bah non, et puis en plus il est tout froid là, il est dur. Comment ça il est dur? Bah il est tout froid, il est tout dur. Bah si vous venez de l'acheter monsieur, faut le décongeler. Ah d'accord, parce que moi je croyais qu'il était frais, c'est pour ça qu'il est dur comme tout là. Il veut pas se casser là. Comment? Il veut pas se casser en petits bouts. Bah s'il est congelé monsieur, c'est normal. Ah, attends, attendez, bougez pas monsieur hein. Oh saloperie. Eh, je m'en suis fait mal à la main. Il est tout froid, votre poisson, monsieur. Mais faut le faire décongeler, monsieur. Oh, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'était de la glace, quoi. Non, monsieur, mais les produits Picard sont des produits congelés. Obligatoirement, si vous voulez faire cuisiner, il faut les faire décongeler. Ça veut dire que j'allais me péter une dent, là. Oui, j'ai bien l'impression. Ah bah ouais, parce que... C'est pour ça que quand je tape, on est d'accord que... Non, je peux pas le manger, moi, je peux pas le manger, je suis désolé. Ouais, bah je me dis bien, vous pouvez pas le manger, monsieur, c'est du congelé, là, donc faut vous passer. Je le rapporte, là, et puis vous me... Mais là, monsieur, oui, non, mais je vous le reprenais, si le poisson était effectivement pas frais, s'il était décongelé et pas frais. Mais si vous avez sorti le poisson, vous avez tapé dessus, là, comme je suis en train de l'entendre, je pourrais pas vous le reprendre, monsieur. Eh ben alors, dans ces cas-là, il faut enlever la mention poisson frais, parce qu'il est congelé, ton poisson. Le poisson frais, monsieur, c'est parce que c'est comme pour prouver que nous mettons pas de poisson avarié en sachet. Mais il manquerait plus que ça que tu mettes du poisson avarié, mais t'es dingue, regarde comme il est dur, ton poisson, là. C'est quoi ça? C'est un poisson surgelé que vous venez d'acheter chez nous qu'il a fallu faire décongeler avant de le faire cuire. Mais seulement c'est vous qui avez pas lu la boîte pour pouvoir faire la... Mais non, mais alors que s'il est congelé, pourquoi c'est marqué poisson frais? Oh l'arrêt, c'est bon. C'est du surgelé, hein, monsieur. Voilà, la journée internationale du surgelé à l'instant sur... Mickaël à la radio. Le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Grande, grande découverte au niveau d'un talent qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, tellement ce talent est énorme. Je dois vous parler d'une nouvelle star du rap. Une meuf qui va tout déchirer sur son passage. C'est du très très lourd. Encore une découverte Fun Radio. Exactement, oui. Bah, d'ailleurs, ici qu'on peut découvrir des talents graves. Ah, ça sûr. C'est clair. D'ailleurs, vous n'avez certainement pas oublié cette Amandine. On dit qu'on est riche avec 50 euros là-bas. Ça fait 333 000 CFA. Voilà, donc c'était Amandine du 38. Du 38 en France, qui n'a toujours pas abandonné le rap d'ailleurs. Hein, si vous voulez miser sur elle, elle a un compte sur My Major Company. Hein, des fois, vous soyez complètement idiot, vous pouvez le faire. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a. Bah, c'est ça, je crois qu'elle a besoin d'un peu d'argent là pour lancer son disque. Et il y a 60 000 euros, il lui manque. Ah, bah quand même. Et il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, je vous avais fait découvrir Momo Croco. Dire que je suis Momo Croco. Le matin dans mon monde, j'ai les crocs. Et oui. Je suis affamé de manger des noix de coco. Voilà, en plus, ça rimait tout ça. On rappelle qu'il venait de Waterloo. Hein. Tout grosse fait. Cité quand même. Et oui, une grosse Tessie, hein, c'est ça. C'était une banlieue difficile, hein. Il le dit dans ses chansons, c'est très très dur de vivre là-bas. Bref, oubliez tout ça. Aujourd'hui, la vraie star. C'est elle. Laura de Beauvais. Yes, mama. Eh oui, Beauvais, tout de suite, ça fait rêver. Hein. Ah ça, c'est magnifique, tellement beau. Hein. C'est en France, Beauvais. Hein. Ouais, mais heureusement, Laura, elle est bilingual. Hein. Oui, ça fait un peu c'est ça. Un peu beauf, surtout. Elle est bilingual. Et pour donner peut-être. Peut-être plus percutante dans ses sons, je ne sais pas. Enfin, je crois. C'est pour ça qu'elle est bilingual. You got a gun, Mister You, mon pote. Eh oui. Yougadagagada. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez mal compris? Yougadaga Mister You, mon pote. Voilà. On appelle ça du yaourt, non? C'est ce que les rappeurs font, ils disent un peu n'importe quoi. Yougadaga. Bah, elle a bien compris le concept. Hein. Donc l'aura du 60, elle c'est aussi. Sur le concept. Ah oui, c'est aussi des paroles engagées pour un monde meilleur. Arrête la vodka, la miss. Yes. Wow, wow, yeah. Eh oui, yo yo, yes yes, mais on sent que le texte a écrit, a été écrit avec des professionnels. Attends, elle parle de sa, de son expérience là. Mais oui, j'allais en parler, figure-toi, puisque forcément c'est aussi une plume hors du commun avec des phases et des rimes. Bref, comment dire, recherché. Non. Riche. Non, pas exactement. Bah, enfin, écoutez. Ouais, je m'en fous de tout. Ouais, les racailles jusqu'au bout. Ouais, vive le Beauvais. On est toujours ici. On va foutre le bordel. Eh oui, wesh wesh en place. Voilà. Bon, et ben voilà, reste bien Beauvais, hein, Laura, si tu veux. Y'a pas de problème, ce sera parfait comme ça. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio.